Ici le Z solide, on met les points sur les i et la virgule comme Ronnie Schrode. Avec l'amertume des taudis, y'a des tas de commis et d'intermédiaires. Sur le colis, il faut le faire pour le mot, la mer et les mots. T'as braqué l'état, tu récupères ton dû, c'est normal. Nique la procédure, photo j'ai la tête dure, pas le moral. J'suis pas tout seul, la secte est solide, fuck c'est comique. Les autres j'peux pas les sentir ni les voir comme un aveugle qui choque les le les aides de la secte, une entité loin de tous tes rappeurs endettés. J'ouvre mon cœur dans un bain de sang, je me suis empêtré. D'étranges lettrés s'expriment après le crime. J'ai le souci du détail comme avec une plaquette clean. Tout les dit. Vieux loupards se bagarrent dans les bars. Si la balle part, on appelle pas la VAR. La vérité t'emmène à ville et frère. J'arrive mortel comme un coup de poignard. Cuisine le Z du rap de bâtard. Un cul, un joint, ça fait de pétard. Souffrance extrême kicker, d'MC rétrécisseur. J'conduis le camion, j'lâche des 16 au Reaper. Les Porsche, les ouvailles, 13 auditeurs. Ça sort des halls, 26 en bas des bâtiments. En alignement comme les planètes du Z avec mon talisman. Seigneur. Ils ont les loaves, nous on a les couilles et le poil. Sur les petits du maire. Y'a trop de jaloux quand j'décolle du bat. C'est soit le crime ou l'école du rap. Le diable n'a pas d'âme, j'ai quitté la rue et c'est déjà pas mal. C'est Dieu qui tue, c'est pas la rafale. Tu gagnes des points si tu es aval. Tu vois les portes, poteau, faux cavale. Derrière on est plein, devant on est quatre. Est-ce que tu capes avec toi? Ça a pas fait un cul jacques. J'sais pas d'où tu viens, j'comprends pas ce que tu rappes. J'me sens suspect comme un plan dans un quartier défavorisé. Quoi? Tu mets Wilkie. Oula, non, j'suis dans l'espace, pisse. J'vide, alors j'me remplis de tisse. J'avais que t'étais une pute avant qu'il j'vise. J'suis que dans l'artisanat. C'est pas le Z qui casse la fête. Mon son est comme ma Zep. Ouais, biologique, elle arrache la tête. Ma voix se colle au beat. Mes potos te lift à cesse. Tu veux ma photo bitch, ouais follow beat. Que je te brise la schneck. Je lui ai donné toute ma vie, j'ai lâché la rue. Y'a que le travail qui paye, je peux m'endormir avec ma plume. J'ai les gens qu'il faut, on achafrave la haisse avant la réussite. Tu peux avec des sangs quand Phoenix ressuscite. Je resterai pudique en vue de ce que la police élucide. J'ai pris du rythme, j'ai crié du bitch. Ça fait 312 mois, j'essaye de virer les tunes que j'abrite. On roule la vie sur le bord de la route, là où j'habite. Là où j'habite. Ils ont dit faut pas s'alarmer, mais c'est la haisse à l'année. Je vise l'autarcie, casse la télé avant de finir un poids d'arcy. À part si j'ai vendre un garci, je roule une boîte bien garnie. Lourde comme le poids de la vie. Montreuil, Romainville, deux cas sur l'échiquier. L'union fait la force et la haisse fait les mêmes guépiers. Avant de marcher, j'ai regardé où j'ai mis mes pieds. Maintenant je fais du rap qui m'avait dit que c'est pas un métier. J'ai le truc dans le viseur. Boba Fett, Star Wars, Luke Skywalker. C'est bon, je suis là, desserre les mâchoires. Cigare dans le manoir, barreau sous le peignoir. Machin dans le tiroir. C'est les N, c'est les Z, c'est vaquesse, c'est les Z. C'est toxique, c'est les Z. La souffrance dans les Z, maman.